Oui, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, mes chers amis. Merci beaucoup, Joël. Oui, bonjour, bonsoir. Bon dimanche, bon après-midi ou bien bonne nuit chez vous. C'est dimanche, Mabambo comme déjà lundi. Et excusez-nous, tous allés en place, Nabiso habitualité et qualité à image et cause à la malamouti. Nous voulons que moi, Batouba Kota, me révéler. À Freddy Mafuta, na Séoul. Mon cher ami, yo là là, tiens. On est tard. Voilà, moi, je vais te raconter pour que tu te démarres. Tout ça, la milité, belété. Parce que tous les gens sont ici habituels, ils sont sautés. Voilà. Merci. Merci. Bonjour à tout le monde. Je ne saurais pas vous répondre hein, individuellement. Mais en tout cas, merci. Merci, Nabino. Et nous revoici, hein, nous revoici pour tout sur la liste Zoom, ok? Comme toujours. Et Ndengeboyebi, situation est à malamouté dans Bokanabiso. Et il faut tout yaka toujours pour que Bandekoba comprendre Biso. Alors, avant la banda, je voulais d'abord, bonjour, on a un bateau, on a YouTube. Désolé pour la bande qu'on a vu sur Facebook, image pour le moment en côté. Mais la bande qu'on a vu sur YouTube, on a image via background. Image, je pense que vous voyez bien maintenant, on a vu mes balais. Tous allés dans Monsieur Kabound, la chemise à pembe, la cravate. Et puis, tous allés dans Monsieur Nehemi Wilonja, la veste ya noire. Alors, notre image Oyo pour que vous voyez bah, un peu qu'est-ce que je vais expliquer par la suite. Et vous voyez bien que M. Kabound a allé les représentants ou les secrétaires généraux de l'UDPS. Et puis, M. Nehemi Wilonja a allé coordonnateur, je pense, il y a FCC, donc les bras droits très proches de Kabila. Et vous voyez très bien que Kabila l'obakate, Mouta l'obakate na place Kabila, c'est Nehemi Wilonja. Oyobosomon na veste ya mwindu. Alors, na chemise ya pembe, et allez, monsieur Kabound, la tête pensante, il y a IDPS. Alors, bosomon na bango, bazali wana bazo solo là. Et trop qu'on a des détails par la suite pour voir Bazali Kosololani. Et voilà. Alors, avant d'abord de continuer, notre mandat plutôt, on a commis une explication de la configuration politique actuelle. Et il faut qu'on y ait bah, d'abord que notre politique congolaise, c'est la politique classique. En réalité, il si qu'à comprendre la politique contemporaine, Congo n'a vu en réalité, il faut qu'on classe un côté. Parce que, na Congo n'a vu, vous ne savez pas au juste la philosophie politique, il y a parti n'a vu. Comme l'UDPS, par exemple. L'UDPS, ou quoi, jamais philosophie politique n'a pas. Et d'ailleurs, Ezalakate, ils n'ont pas de philosophie politique. Alors, ils marchent comme ça. Donc, Balali Balamouki, Batali, Mbou les Obeta, alors, va démarrer par rapport à l'atmosphère, il y a climat et Mkolo. Donc, ils n'ont pas de vision politique, ils n'ont pas d'idéologie politique. Et moyen classé, il y a un côté la politique classique, okay, il dépêche en réalité, c'est un parti, il y a Boy. Il y a parti de gauche, parti de droite, bah centriste, bah bouillé. C'est juste à partir de l'idéologie politique na bango, vous voyez bah qu'on classé bah parti politique on a. Mais au Congo, vous voyez bah c'est parce qu'ils ont la caté. Na Congo, c'est comme de pasteur. Au la le la moki moi vision Isali, au Congo le maman phrase la français et c'est tout. Comme il est politicien, ou comme il est un parti politique et voilà. Donc, moyen de y bayango penza ezate. Alors, nalingi toko tambala moko na mozindo ya li adresse na biso ya lelo ezali juste makambo to zali kolobaka toujours pour que bande ko na biso ba comprendre surtout bande ko na biso bon surtout te na vie très bien bande ko oyo bazali na Congo bande ko oyo bazali na diaspora parce qu'on a compris que comportement les actes bandeng moko bande ko diaspora ou bien bande ko po ba batikala na mboka na biso ma comportement na biso ezali ndenge moko. Et vous allez remarquer que Moutou avant dit la diaspora, au Yoka la diaspora, qu'on a par exemple la France, la Belgique, la Suisse, le Canada, les États-Unis, au Yoka que non, on a sali 30 ans dans Boko, on a sali 40 ans dans Boko, on a sali 20 ans dans Boko, on a sali 25 ans dans Boko. Mais ce qui l'a dit est raisonnement politique. Au Yoka que Moutou a outi ma loueka, kakalelo, dans le mythe que Bandeka ma loueka, dans ce mythe, non, ça veut dire que ils allaient juste dans le sens finir pour faire comprendre qu'il y a peut-être un outil qui est un. Mais, à 40 ans, na poto, à 40 ans, 50 ans, na poto, 30 ans, na poto, 20 ans, na poto. Mais, à lui, à ta leçon, mon côté, il y a commerce que batou il y a poto, et si ka vendi, ba kolombo kawana, bazwaka affaire publique. Comment est-ce que ba jijaka affaire publique? Comment est-ce que ba jijaka ba politicien na bango? Comment est-ce que je vais critiquer la politique de Bango? Pourquoi je vais critiquer la politique de Bango? Pourquoi je vais s'engager dans l'activisme politique de Bango? Donc, Congolais, et l'eau qui a joué à la photo, ils allaient bilamba, ils allaient à somba voiture, ils allaient aller à hamburger, et c'est tout. En ce qui concerne la politique, mais non, mais elle va jouer ma campagne politique, au commun, il y a un parachuté. Ah, on a la vanille de la diaspora, 30 ans, il y a une politique. Il y a une politique, tiens, mon cher ami. Vous vous comportez ndenge moko na mutu oyo a déplacé même comment na Kinshasa te ou a vendu na village parce que expérience nini aujourd'hui na mboka yo vendi 30 ans na diaspora 40 ans na diaspora expérience nini aujourd'hui oyo ko iko partager na bande comme sous so batikala na mboka exact. Alors vous verrez un petit politicien bon tout le va politicien un petit charlatan politique oh bazaine na Kinshasa bato lokola ba Daniel Safou, par exemple, Béliézer Tamboué, des abrutis qui ne comprennent rien, ils ont manipulé, ils ont vendu na poto pendant 30 ans. Ils ont vendu na poto pendant 30 ans. Dans les six cas où la démocratie est allée, dans les six cas où l'état des droits est monanaka, dans les six cas où le peuple est d'abord écouté comme monana, dans les six cas où critique politique est monana. Yokuna ozate. Et d'ailleurs, c'est rare au monde congolais dans la diaspora, au monde de la télévision na Bango, parce que tu as, par exemple, analyse politique qui a beaucoup bavane, c'est rare. Au monde que tu as un documentaire moko sur l'histoire politique de Bango, c'est rare. La télévision na biso na poto et belé au monde ni ne sa prenant kati théâtre. Au monde théâtre. Théâtre na théâtre, théâtre na théâtre, théâtre na théâtre. Expérience moko ezate moke soki ba tche chien de moko ya mboka bavandi peut-être pour aller dans information information c'est si c'est fini asa sonne loko msusu ya kotala na mboka wana c'est rare comme on congolais avant la diaspora meeting politique ya moya parti boye yé pas que ne kokota atala ayoka nini bazolo c'est rare. Alors ya mona lobi ke biso ba tovana na diaspora na bande ko bavandi na Congo tozali ndenge moko Na niveau politique, tout ça, l'indigné, beaucoup. Incompréhension, toujours. Alors, si Kanakota na Oezo le Kasikoyo, ce qu'on appelle l'union sacrée, dans le Baki Yango, mais dans Zozongi la Yango. L'union sacrée de la nation. Et Yango na Zoloba, différence entre les Sobatoba na diaspora et Zat et Nabatoba Nixon. D'abord, il faut qu'on y ait que la plupart y a battu au balan d'abat politicien à Bissot. La plupart y a battu au balan d'abat politicien à Bissot. Et j'allais curiosité y a battu. Battu basali curieux, bah yoka akaka. À Moïse Katumbi, na yoka raye karana mona e pembenti. Moïse Katumbi a zoya. Mutaoki mambangu, a keina boulevard, a tala Moïse Katumbi a go pembeni a zaragandini. Bato mususu nzala. Tika nabima Moïse Katumbi azoya na parcours na yeba koyo ko bwaka mwa 500 francs, mwa 100 francs na lokota na sombela bana batembe. Bato mususu elamba peut-être ka kolata ezate. Moïse Katumbi azoleka bako bwaka peut-être ba triko tika na kina lokota tatiko na lata. Curiosity, parce que vous verrez que le même personne qui sort pona voyamba Moïse Katumbi, bango bako bima pona voyamba Félix, bango bako bima pona voyamba Fayulu, bango bako bima pona voyamba Muzitu, bango bako bima pona voyamba Bemba, bango bako bima pona voyamba tout le monde, au juste. Parce que bango nyoso o bazo bima, ba politicien wana nyoso bazo tia bango na compte na bango. Ah, na yaki, bon mona ki. Na mobiliser plus de 20 000 personnes dans Zela. Lelo soki moko aleki. Disons Jean-Pierre Bemba aleki. Au moins, on a balabala, on a boulevard, plus de 20 000 personnes. L'obi na tongo, soki fayu dans l'eki, au moins, les mêmes personnes, 20 000 personnes, baye kopima. Alors, ben ba boyloba, wana ja batou na ye, batou a MLC, au moins, de ba yambingaye, l'obi fayu lo soki a l'eki, au moins, ah, au moins, batou a ye sidé, au moins, 20 000 personnes, ba bimina balabala, au moins, de ba yambingaye, katoum ya koya, les mêmes personnes qui sortent. Et, tout le monde a zo compté batuna bang baza batuna ye. Alors, ezali façon boka na biso ezali. Ce qui sort, il faut pas compter la banque mutu na balinga na ye, yango ba ye ko bima ba ye ko landa. Alors, tomoni batuna star ba yamba Paul Kagame. Nani ko iko ndima ke na Congo na biso. Na Congo na biso batu ko iko yamba Paul Kagame na star ndinga ba bete la Paul Kagame maboko. Nani ko iko ndima. Alors, tout qui est na union sacrée, ou balobi union sacrée nationale. Mes chers amis, union sacrée, qu'on crée union sacrée dans les malins. Mais il faut qu'on y ait, ni les autres constituer union sacrée ou non. Tu y es très bien que Kabila Zalaki, bon, na loba, na forme, Kabila Zalaki majoritaire na parlement. Na forme, je dis bien. Forme. Yomuto Zalaka pressé na koloba na kojige na lobibia forme. Du point de vue forme, Kabila Zalaki majoritaire na parlement. Du point de vue fond, Kabila Zalaki majoritaire na parlement. Tozali na ba proche mibale. Forme na fond. Forme lingé loba apparence ou ezomona. Fond et l'ingé l'oba na kati ya moutima na kati. Bon moto ya moutou na kati. Forme et l'ingé bozongo na nga bo indé na telemi. Peut-être que naza malade bo yé bate. Na zo l'oba, bo zo l'oba, ah moutou ana, a zo l'oba, c'est kaza bien. Non, ça c'est la forme. Mais le fond na kati peut-être na zo kapas, bo komona ya ngote. Ce qui na m'exprime te bo komona ya ngote. Alors, cette majorité parlementaire du point de vue forme, Kabila majoritaire, du point de vue fond, Kabila majoritaire. Tu es dit, Bango, Bazali Batoubaouti, soit n'a pas perdu, soit n'a pas parti politique affilié, n'a pas perdu. Alors, n'a pas oublié, Batouana Nyon, ce temps oublié n'a pas vraiment, Bazali n'a valeur n'a Bango intrinsèque. Bazali qu'on manifeste juste tendance n'a Bango. Parce que Kabila n'a pas pour qui battu, quoi, fait ça, bon, bah, qui dit que c'est la campagne électorale, va voter, bango. Kabila n'a pas choisi n'importe qui. À cette époque-là, Kabila croyait qu'on choisit le col à Yombi pour que Yombi a qu'elle ne la campagne, va voter député, la compte, il y a PPRD, ou bien, oui, je disais, il y a FCC. Vous me comprenez, je pense. Apona ki batou yo bazali na bo moto moko na ye. Batou yo bazali ko partage vision moko na ye. C'est-à-dire détruire le Congo, c'est-à-dire infiltrer les étrangers na Congo, c'est-à-dire ko détourner, c'est-à-dire ko boma. Voilà, batou yo bakoye ko boma. Par exemple, Ngobila. Oyazala ki soy gouverneur na Yumbi. Kabila soki apesa ki Ngobila Mbongo. À faire la campagne. Et cela qui était pour que, à mon avis, et pas Yangobila, à l'égé Kabila, à l'égé changement, non. Kabila, mon avis, dans Ngobila, et Zali na valeur na yé Kabila, et Zali, ça se manifeste. Donc, dans Ngobila, Kabila peut tuer. À travers Ngobila, Kabila peut corrompre. À travers Ngobila, Kabila peut corrompre. À travers Ngobila, Kabila peut corrompre. À travers Ngobila, Kabila peut corrompre. Donc, Natango va pour Nakabatu, ou va représenter Bino, va représenter tendance politique Nabino, va représenter parti politique Nabino. C'est sur base, il y a ce que vous trouvez dans la personne. Dans l'obité qui est la forme, Yamoto, mais dans la personne. Nakati Yamotoana, Yango va pour Nakabatuana, va pour Nakaparazarte. Alors, Kabila a yéko pour Nabatu, Oyo, Alingi, a allié, na liste, na yé, ou va la député, na yé. Il y a très bien que nous avons parlé dans le Parlement pour défendre la valeur de la défendre la Kambouya pour le Congo. Il y a infiltration des étrangers, domination des étrangers, pour infiltrer l'armée dans le Bissau et tout ça. Alors, du côté Oyo Bazala qui soit disant opposition, c'était la même chose. Moi, je suis IDPS, bien sûr que tu as dit que moi, avec exception, IDPS et Zali. Bon, on a qu'il y avait élection, IDPS a qu'on a qu'il n'importe qui. Essentiel cause à la Mbongo na yo. Oya na Mbongo, opesi kabundu Mbongo, kabundu ako tchéo na liste ya bato IDPS. Ya mbo mona ki par exemple, moutouloko la Batumona, Laurent Batumona, qui est mouyaka comme moi. Moi je connais Laurent Batumona. Laurent Batumona, la contribution c'est grâce à Kabila. C'est Kabila qui a contribué, balébélé, que Laurent Batumona comme un député. Laurent Batumona c'est un kabiliste, la contribution. Corruption, il y a là qui m'attaque, n'attend pas d'avoir une contribution. Et voilà, Laurent Batumona, il y a comme on a que, bah, poids lourd, bah, l'équipe est belé, n'a côté PPRD, à cause de retrouver les sous-soutés. Alors, aïe, n'a bon, on aïe, n'a IDPS, à Pessi Bango, bah, tcha, y'a une liste, y'a bateau IDPS. Bah, tcha, qui est une liste, y'a bateau IDPS. Et il a été élu aussi. Est-ce que vraiment, na forme, Laurent Batumona, a bateau IDPS, mais na fond, Laurent Batumona, a bateau IDPS. Quand je dis que je suis c'est-à-dire que valeur suis un peu bango bazali pour un changement anti-corruption, anti-massacre, anti-étranger, anti-valeur. Est-ce que Laurent Batumona a vraiment un changement anti-valeur parce que lui-même est anti-valeur? Alors, voilà. Maintenant, Parlement majoritaire, je vais vous expliquer. Arrivé maintenant à Tango Oyo Félix, au lieu à utiliser, au lieu à nous comme majorité parlementaire, selon vision, il y a changement, soi-disant, par le but que Félix a besoin d'un changement, tout le monde a voté, donc il y a une hypothèse qui est pour un changement. Au lieu à nous, majorité parlementaire, selon valeur Yamoutou, na Kati Yamoutou, au Azali pour un changement, ou à Zali pour la qualité contre l'anti-valère, ou à Zali pour la qualité contre le bateau Bazo qui peut m'en cannabis. Mais non. Comment est-ce que Félix a procédé? Aïe, qu'on procédé à jouer dans Nzala Yabatu. Ba opposant, on a le Koso Yambongo. Pardon, ba parlementaire, on a le Koso Yambongo. Aluki Bango, selon Bongo, te moutou, te réflexion, te valère, te. Aluki Bango, nandobo. A tchè ndobo. Alors, a tché a pas dans dobo, a bois qui n'a mal. Ou a zan anzala, a ya ko kanga dobo rana, Félix a kangaye. Voilà comment est-ce que Félix a procédé. Et comment expliquer bande konangaye, batou bako yiko kosa bisoti na niveau ya boye? Écoutez, majorité wana lobby na tongo do moni yango, makamouni ni basali na parlement. Parce que batou na bazan na parlement. Qu'on vote libé qu'on a bango na parlement. Il y a une proposition de loi dans le Parlement. Il y a un qui est libre. Il y a un mot qu'on a dans le Parlement. Ce qui est bandimi, ce qui est bon, il y a un mot. Mais il y a une loi à mon côté pour le peuple congolais. Il y a une loi à mon côté pour défendre le Congo. Il y a une loi à mon côté pour protéger le Congo. Il y a une loi à mon côté pour lutter contre la corruption. Non. Il y a une loi pour Kabila, sénateur à vie. Bataille mibeko selon Kabila. Kabila sénateur à vie. Kabila va payer 2500 dollars. Kabila va payer 680 000 dollars par mois. Kabila va poursuivre et après présidence. Kabila. C'est-à-dire que ce sont des gens où il y a mibeko selon Kabila. Selon Kabila. Et voilà aujourd'hui, biso peuple congolais naïf que tu as il y a des sept oyo bazali kondima ke batu oyo makambo basali parce qu'il y a des sept députés qui sont revenus banda Kabila baza toujours ba député lokola ba Lambert Mende baza toujours ba député baza toujours ba député banda kala. Alors comment expliquer batu oyo basali na Kabila pendant 18 ans mibeko basali pona ko protéger Kabila mibeko basali oyeza na faveur ya Kabila lelo oyo kaka na bâton magique ya Félix Tshisekedi batu oyo nyonso ba komi ba misanto. Baza sousou ba corrompite, bato onyon so baza sousou baza ko protéger Congo. Mais non, ce sont des mêmes personnes. Qu'est-ce qui a changé? Ezali kombo moutou changé. Forme moutou changé. Mais bato bazali kaka bato. Alors, l'île n'a biso ezali l'île y'a ba personne pas mbate. Parce que l'île n'a biso, comme vous le savez, n'approche ba personne. Moutouloko la Kabila, c'est un étranger, il faut ba bimana po kanabiso. Ba Roubéroa, ce sont des étrangers, il faut ba bimana po kanabiso. Ba Bizi Matara, il faut ba bimana po kanabiso. Ba Bogera, il faut ba bimana po kanabiso. Et l'île n'a biso li sousou, ezali juste y'a ba anti-valeur. L'île n'a biso ezali, il y a système Kabila. Système Kabila, il y a corruption, qu'on lave par Rwanda, qu'on met pèse salaire yomoko, qu'on dit ma salaire exorbitant, et pourtant, entre autres peuples, il y a eu besoin de couper la misère la plus totale, la plus noire. Voilà l'économie de société. Et on a juste c'est une réponse, on a demandé que Bélé, on va aller comme ça. Bon, il y a un bon qui est moins en boca. Sikoyo mwana mboka yeye azui pouvoir mais siko problème na bino ezalini donc batwana bande kona ce sont des gens qui ne raisonnent pas parce que na koluka mwana ya mboka azwa pouvoir vous voyez très bien que na monde onde tozali même na bamboka lokola ba démocratie ya kala bato batana civilisation ya likolo ce n'est pas tout le monde qui peut devenir président de la république mutu nyo za ko président de la république ezali na bato ezali na catégorie ya bato oyo bakoyi kokoma président de la République. Ezali na bato bakoyi kokoma ba ministre. Ezali na bato oyo bakoyi kosala ba parti politique. Ezali na bato oyo bakoyi kotangisa. Ezali na bato mosusu musala na bango bazali ba ndeko ya mboka wana, me musala na bango lamuka lia lala. C'est tout. Eh bien, voilà na Congo na biso ekomi tout le monde peut devenir président de la République. Vous savez pourquoi? C'est parce que ba moni Kabila. Un abruti qui vient avec des bottes yamboula dans le Kabiso, qui n'a jamais été à l'école, qui devient président de la République, qui domine les Congolais pendant 18 ans. Et voilà, et la moussi congolais nyonso, n'a qu'aucune des classes de bana baza la nandako, moi nanangai, chance loko pamba, a koye koko ma président un jour. Ceux qui ont discuté naye, a koye bisayo Kabila kenda classe wap, a koma présidente, Félix a kenda classe wap, a koma présidente, voilà. Ce sont ces anti-valeurs toujours liés dans le parce que comme président, c'est une chose. Mais quand il y a des gens qui ont dirigé Mboka et qui ont protégé Mboka, ils ont autre chose, ils ont dit que ce sont deux choses différentes. Deux choses différentes. Alors, Kabila a tangati, a commis président. Motan est ici Kabila a commis ici. Félix a tangati, a commis comme président. Na 10 ans oyo bota le sika Félix a même biso du point de vue interne botala Félix makambo amemeli biso du point de vue externe nani azali motema kimia motema ezobeta te soki amoni Félix akeli libanda ya mboka na pays mosusu akutani na baprésident mosusu kongole nyonso azoloba yango awa akei botalaka ye malamu ake kosinye nini ake koloba nini parce que bayebi moto oyo bayebi kongole ayebi ke moto wana azali na expérience moto oyo azali patriote azali mwana ya mboka azali na expérience ya mosala ozali sur na ye mwa biki pe epusana mwa moke na ntango abimi libanda mboka ke kota na baprésident mosusu motema bakongole kozala kimia ke non tozali na défenseur ya mboka na biso tozali na moto oyo akoki kodiskute na bato wana baprésident mosusu ake kotana na bango moto oyo akoki koloba wi na place ya wi non na place ya non batie tembe kuna pe adiskute apesi bango baargument motema kimia ya kongole eske kongole nini esika bovandi bozolanda ngai sikoyo kele eske kongole aza motema kimia ke Félix lelo abimi libanda mboka ake réunion moko ya baprésident soit na SADC soit na union africaine soit na union européenne soit na baamerikain baasiatique kongole nini aza motema kimia ke président na ngai akekota na baprésident mosusu kuna akodefendre mboka na biso akodefendre mboka avec quels arguments argument eyaka olamuki na ntongo te argument ye argument eyaka te mpo bapesi yo président sokomi président argument ye non argument eza processus ya classe processus ya expérience ya mosala processus ya expertise owumeli otangi classe d'abord ozwi baargument ya défense comment faut-il contredire comment faut-il kodefendre position na yo comment faut-il koplacer position na yo comment faut-il kopersuader bato mosusu bandima position na yo ça s'apprend na classe batangaka yango na classe oyeni expérience ya mosala osali ebele okenda bareunion ebele odiskuta ebele na bapartenaire mosusu oarrache makambo ebele oyebi ndenge moko baargument wana bande okenda baconférence na bareunion barencontre na bato mosusu bapartenaire mosusu na expérience na yo ya mosala oyebi tres bien ke na position boye eloko moko ezalaki très difficile mais j'ai arrache ça na botoli yango na baargument na nga voilà cette expérience okoya nango na présidence de la république yango okende kodefendre mboka na yo na libanda ya mboka même na kati ya mboka mes chers amis ndeko na biso oyo d'abord il a 56 ans il a 56 ans tolongola 2 ans o asali na pouvoir tozwa 54 ans ndeko oyo mbula 54 donc siècle demi siècle moko obaki susu mbula 4 54 ans ndeko oyo asala mosala te 54 ans ndeko oyo r azalaki na ndako na bango alali alamuki ake kotambola aye kozonga mama alambi ale azongi susu aketambola akutani na baninga na ye baketambola aye kozonga alali na ntango akomi mokolo akei na poto kuna babaleli ye mwasi bapesi ye mwasi na poto azalaki na ndako mwasi moto azokende mosala na poto azalaki kovivre bandeko soki bakutani na ye nayebi famille oyo zwa mwa 500 francs zwa mwa 500 euros zwa mwa 100 euros c'est comme ça ses frères abandaki kovivre eye kosangana lisusu akoti na groupe parce que azela azalaka te bakabelaka ye akoti na groupe ya kende kosala makambo ya bashèque ça c'est vrai c'est comme ça ndeko oyo avivre ndeko oyo atiki kosala mosala moko te ndeko oyo aza na expérience ya kodiskute te nayebisa bino na bavideo oyo eleki soki botali ndeko oyo Félix bisika nyonso oyo akendaka na barencontre soki etindamiki ye mpe efo azala na kati ye mpe efo atia signature na ye ndeko oyo bakosaka ye toujours ndeko oyo abimaka na basignature na ye ndenge nini bato babimisaka ye asi asinye ere abimi libanda bato bamonike asinye eloko ya mabe efale mpe asinye bato batie mobulu babimisi ye na signature wana eske nakosi na rapele yango na libiza bakosaki ye babimisi ye ake na genève bakosaki ye babimisi ye ake na nairobi kamera akosi ye babimisi ye ake na kinga kati akutani na kabila akosaki ye bauti kobimisa ye nakosi eske vraiment ifo ozala nani po comprendre te ke ndeko oyo n'est pas capable de discuter lui-même ye moko ifo kaka bato bazala babimisa ye Moto vraiment beaucoup que tu as confiance il y a un bon tu es président de la République. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce qu'il fait République? Vous comprenez Moussa la président et président de la République et Zalini. Est-ce que vous allez croire bien moi? Moussa la président et Zalini kaka. Vous allez par exemple moi na ya Yumbi. Vous allez par exemple moi na ya Tshisekedi. Ça suffit. Au vendeur na qui te va vendre sur moi na Tshisekedi. Bah raisonnement et voyage kaka pour Osama na Tshisekedi. Maier et voyage. Osama na Tshisekedi expérience et voyage. Osama na Tshisekedi niyo se kokuta kana mapata et quoi niyo. Non. Biloko na niyo so bazwa kaya mo na processus ya vie. C'est pour cela que je suis en train de faire un CV. Pourquoi je suis en CV? Parce que je suis en train de faire un CV. Je suis en train de faire un CV. Je suis en train de faire un CV. Musala. Excusez-moi. Je suis en train de faire un CV. Je suis en train de faire un CV. Je suis en train de faire un CV. Je suis en train de faire un CV. Je suis en Elle va monique oui, ndeko oyo, expérience, oyo, misala, sali, parkour, zali, malamo, voilà, tout engagé. Parce que ma compagnie, belé, ba, lina, kozo, ba, stagiaire, te, moutou, oa, yé, na compagnie, kwa, yé, ko, yé, ko, la, te, ba, zo, ba, ko, dépensé, sous son bon, ba, formation, ba, lingi, bongo, te, ba, lingi, moutou, bandi, moussala, lelo, banda, premier jour, zéro jour, o, bandi, moussala, o, bandi, ko, pèse, a, désir, ba, production, na, yo, yang, wana, ba, tou, malikaka. C'est pour cela, on a, ba, te, belé, et ça, bazo discriminé, bah, comme ça, non, mais ça, là, t'es, au moins, non, moi, ça, t'as toujours l'aura expérience 2 ans. Expérience, n'a boyé 3 ans. Expérience, n'a boyé 5 ans. Expérience, n'a boyé 6 ans. Expérience, n'a boyé 1 année. Pourquoi, bah, c'est un gaga? Que, il faut une expérience, n'a cadre, y'a moussa, là, ou un an. Parce que, bah, l'ingité, bah, mon amour, tout, moko, bah, non, vandale, bah, mon amour, pourquoi? Ti, n'a tombo, ti, n'a pourquoi, zo, ça, les locaux, moko, ti, bah, y'a la conformé, yo. Bah, l'ingi, bon côté. Alors, voilà ndeko oyo ba cheli biso na président 54 ans atika ro sala musala ta mokote 54 ans dala kana ndako na mama na bango na papa na bango aliaka na mwasi na pa ya mwasi na ye 54 ans eloko mokote classe te expérience te expertise te eloko te bozui mbala moko bon président de la république ponani kaka po azana kombo kombo kaka ya Tshisekedi. Kombo kaka, nyon se ko botama, mayele ko botama, experience ko botama, nyon se ko ya, se ko kwe la mapata, molimo santo, se ko kwe la ye, mais voilà si ko 2 ans, ozomo na la merde, ou azali ko tchamiso. Même si 2 ans, oyo bat nyon se ma zomona, ndeko oyo, incapacité de diriger, ndeko oyo, incapacité ako sala même plan de société na ye moko. Mais bat wazo continue toujours ko appuyer, ko supporter ye, béton, béton, zalawana, zalawana, zalawana. Mais azo zalawana, poda ko sala moussalani, azo protéger Congolete. Azo protéger Congolete. Igno sacré, national, bandeko. Na outi ko explique batu oye sika ba outi, historique na bango. Baza ba kabiliste de sang. Croyez-vous lelo, André Kimbuta. André Kimbuta. Membre ya union sacrée nationale. Menda okota na union sacrée nationale. Shadari ya okota na union sacrée nationale. Bandeko. Tozali malade ou beto zabatu. Oyo yango ba bengaka l'ennemi dans la maison. Na repete bino mwa ba révélation moko na utkozwa na ba na mission diplomatique moko na. Diplomate on a ici na boya biombi limbisangayo o vandi na mboka na biso a na révélé mboka bon ça ne dérange pas ba ko sale pe lokote et je lui ai même dit na koloba yango na koloba yango na live ngai alobi na ngai yombi mboka na bino ezali na ba richesse nyoso mboka na bino ezali ba richesse nyoso mboka na bino lelo ko iko koma ba niveau moko koleka kutu biso ba ko Mboka na bino koko koma lelo na niveau moko koleka même ba États-Unis ce qui sérieux ali parce que vous avez tout États-Unis biloko mso ba kenda koluka libanda ba guerre parce que koluka libanda ba bundi na minduki o ba boto na biloko ba yako bomsa mboka na bango mais bino bozali na ngo nyoso bozali na ko ah mais Ils ont dit, ce qui vous manque, ce qui vous manque, Ezali, Mayele Yabatu. Mayele Yabatu, Ezali. Et donc, ils ont empêché Bino, Ezali, qu'il tire au Bozan, en voyant au Koumi Sabatu. Yo, Vandi, Nambo Kanabiso, Oyebi, Nambo Kanabiso, ma famille, au Bayebani. Moto nyoso ya peyi na biso aza surveya ya bato ba bakombo yebani. Moto nyoso aza surveya ya famille Samson. Moto nyoso aza surveya ya famille LG. Moto nyoso aza surveya ya famille Kia. C'est-à-dire bato na soki ba moni ata membre ya famille moko so ba moni en hôtel. Okoyoka kuna juge moko a récupérer dossier yaka awa. Boza bato boza na famille moyebani mais attention, il y a de ces actes boza permis ya kosa. Vous a permis de faire ça. C'est-à-dire que Bato Bazan dans la famille Yebani, liberté dans Bango R Moko, Ezali à 100%. Parce que Bazali surveillé partout. Vous voyez que ma famille est Yebani, compagnie d'aviation ya Corée, vous voyez que ma entreprise Nyon sont à Corée, ou ya Matak, ya Minen, vous voyez ma Samsung, par exemple, ma Kia, ma LG, Ezali à l'État, Ezali à Bato, ma famille, ma privée, ya Bato. Compagnie aérienne ya Corée. Ba benga ngo Korea Airlines. Compagnie aérienne. Mwana ya mkolo compagnie, mwana ya mkolo compagnie. A côté na avion le ko la ba passager musope ma côté. Il faut ba voyager ba kende quelque part. Na aéroport. Avion e bandi ko sala manœuvre o ba benga ka taxi. Et ke e côté déjà na ligne oyo de la oyo. Avion il faut bande sur vitesse pour y démarrer. Bato o bavanda na first class. Avant dans l'avion et mata, bango déjà maya ko servir bango moi tu biloko mwa mitie ba miss girl parce que pas ka bango. Ba o bazana classe économique bazela ka pu mata stabilité koti après ba bandia ko servir bino. Mais ba o bazana na first class, na business class, ba ya ko pesa bango déjà avion ko te matin on te est déjà ba vandi. Et donc moi il aura au mes. Mwana ya mkolo aviation wana akotaki na kati ya mwasi. Hotesse baye ya mobali abandi ko servir. Aye ko servir mais mwana mkolo avion a remarqué que hotesse ko a servir ye malamu tena respect pensate ya mkolo avion parce que mwana ya mkolo avion ya compagnie et pa za avion na bango. Mwana o ya mwasi asali ndenge. Abengi hotesse ko atangeli ye sen pas cette façon ko iko servir ngai et za avion na bisho. Allez, pilote, zong sa avion, garé avion, zong sa longo l'avion na place ya taxi pour y matalikolo, zong sa avion. Comprenez-vous, bato ba serré déjà ba sentir. Avion déjà sali taxi et comme si on a prince oye et joie à vitesse pour avion décollé. Ba servir yé malamouté a ordonné pilote zong sa avion, garé avion na parking. Moutou oye fa kita. Hôtesse ou yfona longolaye akita. Pilote pe aye ko zongi sa avion. A parke. Tour de contrôle ba comprendre te. To pe se ordre n'avion an e décollé. Mais avion e décollé te, qu'est-ce qui s'est passé? Ba vérifier bo non, mwana ya mkolo compagnie a ordonné avion zonga na parking pour ba servir ye malamte. Vous savez quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Kore mo bimba marche. Moi, dans mon colo compagnie à l'avion Oyo, dans ce stabilo, l'élo, dernier tour de l'Obambo, l'élo. Cinquième année, il y a un dans la prison. Car après, on a actuellement. Cinquième année, il y a un dans la prison. Papa na yaya, a senga pardon, na peuple, na police, ba na nga boyete, a juste qui m'a bé, na senga pardon, na batou nyonso, senga pardon, na hôtesse, na senga pardon, na batou nyonso. Ba coréen ba juge alobi jamais. Boko yiko se comporter ndenge éthique na bino ezali ya bongo te. Na prison. Nani akoyiko kanga mwana ya Bemba Saolona na ba avion na bango a décidé. Par exemple Jean-Pierre Bemba kote na avion ba servir ye madame ta décidé azongi se avion na parking ba ya kanga Jean-Pierre Bemba. Au Congo ça tout passé comme ça. Tozana na niveau wana te. Alors, diplomate a dit, Sénat a lobby, mais cette histoire que vous appelez union sacrée de l'opposition. Mais les alliés, union sacrée de, pardon, union sacrée nationale. Et d'abord, les alliés n'ont mis tout mis balé, mais toi, les bosses, les alliés, parti unique. Les alliés, parti unique. Deuxièmement, Kabila ba kileye, na ba président africain, na niveau ya ONI, na niveau ya SADC, ba kile Kabila ndeni, ba fundani Kabila na Félix Mafeu. Ce que je vous dis, c'est un diplomate qui me révèle. Oyoza, diplomate coréen, qui me révèle que Kabila na Félix Mafundani, partout presque, dans l'Union européenne, dans l'Union africaine, dans la SADC, dans l'ONI, Bafoun. Kabila présentait l'argument de Talandé Tosala qui dit. Talandé Toyokana qui n'a dit. Félix parle, mais oui, Talandé Tosala qui dit. Talandé Toyokana qui. L'argument à Félix Talobi. Félix Talobi, Tosala qui dit, bien sûr, qu'il n'a pas eu le pouvoir pendant 5 ans. Après 5 ans, il n'a pas eu le supporter pour qu'il y ait un pouvoir. Bazwa pouvoir. Toyokana kindengwa. Argument Félix, c'est yé makasi pour l'année. Argument Félix, lui, oui. N'a pas eu pouvoir pendant 5 ans. Toyokani na okanga yete. Na okanga batu na yete. Na koya na ba, na ba place ba, ba, ba zola sanction contre les matokas ya Kabila. Pour ba lever ba sanction. Alors, Toyokana ki yé, même si tu gouvernes, biso mi balé, mais yé, il faut atikangaye, na diriger. Voilà 5 ans et qu'on quittait, 2 ans, Kabila Zotikanga qu'on dirigeait. Bon, on a dit mal. Félix Nargimana, Kabila Zotikanga qu'on dirigeait. Félix Apesi Bargimana, voilà, Parlement par exemple, Kofi Nangana Parlement. Voilà ma présidente du Parlement, Matamazo Salakon. Voilà. Voilà, nous sommes en ligne pour Kabila Azotchabango parapluie chapeau. Azoti qui n'a pas tant dirigé. Et pourtant, il y a qui bon côté. Il y a qui n'a aucun gaieté, justice est zate pour naïe, n'a pas tout naïe, et il y a qui n'a dirigé. Bien que tu reçois le gouvernement entre bisous, batou naïe, basan le gouvernement, il faut pas yoke la gaï. Mais dans le gouvernement, batou bazo que la gaï, félicité, batou bazo yoke la ndé, Kabila, bazo que la yé. Yé moutazo que ça m'a influence, on a pas yoke la gaï. Alors, qu'est-ce qui a été instruit dans Kabila? Ce qui ont mis des ordres de côté na yo moko. Instruit na bâton na yo. Bango no soba saligné na Félix. Yo Félix, ça la semblant. Ya ko menacé au dissoudre parlement. Ça la semblant, ya ko menacé au dissoudre parlement. Ce qui bâton ba député au nyo soba yé na kan na yo te créer plateforme. Plateforme au créer. Kabila va ordonner na batuna ye, ba ya kokota na plateforme wana, atike la yo les 3 ans qui restent au dirigé. Alors ye Kabila a se retiré na pembeni, a tcha influence mokote. Pake batuana, batuna ye bazan influent, po ye Kabila a sa toujours pembeni na bango. Alors, Kabila laisse batuna ye, bakota. Bakota na plateforme. Il y a Félix, pour que Félix a dirigé les trois années qui restent. Voilà, n'est-ce pas, mon nom, va député Nyon sur la cascade, va côté de l'Union sacrée de la nation. Mais l'Union sacrée de la nation, les Alibanais. N'est-ce pas les Kabilistes? Moi, je pense que Félix, dans Mbongo, sans vu qu'à sa salaire, il y a Félix, il y a une année. Na salaire à ma conseiller naïe. On peut organiser des élections. Mais l'élection Kabila a organisée, qui n'a combien 400 millions de dollars, n'est-ce pas? Alors, ce que je dis salaire à ma conseiller à Félix il y a une année. Aujourd'hui, salaire à voyage naïe chaque fois 2 millions. Aujourd'hui, salaire naïe moko. L'élection est organisée. Ce qui vraiment a la cana souci à cause de l'union sacrée de la nation. Il faut organiser ma nouvelle élection. Pour que aille baké batu oyo penza bazali na kate nyon na ngai ezali batu oyo bazali na philosophie na ngai na philosophie na biso ya IDPS na philosophie na biso batu to uti na opposition organiser l'élection pour que tous à la suite et bateau réellement basa bato na biso que ils à la bato oyo va changer juste na combo mais façon d'agir façon de se comporter ce sont des kabilistes ngobila so akoti vraiment kuna ngobila ko changer akoma sous criminalité franchement ngobila akoma criminalité kimbuta so akoti na nyo sacré kimbuta omela so diamba te Kimbuta comme la soudien bate. Vous croyez-vous que Kimbuta soit boche, n'est pas continuer à l'union sacrée na bino. Kimbuta soit besoin de gouverner avec Kinshasa. Kimbuta au bon c'est Kinshasa. Mais ces gens-là, dans la Katina Bango, ils sont kabilistes. Ils sont formés kabilistes. Ce qui fait ça, il y a solo les Kambuya union. Union sacrée nationale, Félix a lien à organiser belle élection. Voilà maintenant, Kabila se retire. Lui-même, il se retire. Il laisse maintenant Félix au lobby Mingeke, nous avons empêché, Batonanga, ba soldat, nous avons empêché de travailler. Bon, Zwa Bango Kashi, ba komi ya yo. Zwa Bango, ba komi ya yo. Alors, Ngai, je me retire, influence Ngai et sa société, dirigez Mboka. Photo au besoin de la simananga ya face na YouTube bata Facebook mon mona emote photo au besoin na vous voyez très bien que IDPS a zala kan adversaire politique na kamwe na mona argument bande kona biso pa milouvor que photo au besoin na kabunde na Nemi bazo solo na parlement mokola ba élection et ça bazali adversaire politique bazali indemnité il dépasse assez azalan adversaire politique il dépasse azalan adversaire politique il dépasse azalan ba ennemi politique est-ce que vraiment parti au barbi que mango bazala adversaire politique pa pekita ka batuko yake ko chapata wapi nous on nous a interdit au chapata on a dit interdiction au ezaba milovor ami qui a cété moi-même moi conseiller principal ya président nabino m'a dit dans mon côté, il y a écrit à Koma et Zali. Kochapat na Kongote. Vietchi Mangame l'a dit. Conseiller principal d'un président. Et Batu Oyo Bazali n'a pas adversaire politique, Batu Sakadengwana. Batu Oyo Bazali n'a pas adversaire politique, Batu Sakabatu Mobeta Kabatu Mbayopo. Tokoma Kochaba masque, merci, Covid. Soit la Covid, Tembele Basiba, Kangi Bisso, Babeti Bisso. Covid a eu des bisous, masque. Toujours profiter de ce ma COVID. Mis sur quatre hommes. Si vous voyez, je vais vous dire que je alors, parti où il y a un adversaire politique, parti où il y a un débat, où il y a s'opposer à un débat, où il y a un masque, où il y a un vous voyez qu'il y a un débat, où il y a un débat, où il y a un débat, où il y a un débat, où il congolais, où il y a un débat, Bozali komi kosa. Cette union sacrée à Félix, ezali une union sacrée de protection des étrangers. Ezali une union sacrée de protection des étrangers. Ezali union sacrée à protection y a détournement. Union sacrée à protection y a Félix, famille Félix. Toujours le baboué bon notre mandat. Lobby. Vous allez remarquer Félix a couillé la bino de sous. Oh, batu oyo baza ma kabiliste. En tout cas, moi, il y a ça dans Bangoué Zate, dans Monica Kato Kenyabelecho. A couillé na makambouana juste na pembeni ya mandat na yé. Na une année ou bien deux ans, Félix a zoïa le sous. A couillé bisabino batu oyo en réalité, baza la qui toujours ma kabiliste. Kabiliste ne changera jamais. Il va tenter à Longola Batu Oyo à organiser des élections, tandis que Yemoko Akotikala a organisé des élections législatives, peut-être na gouvernera, le reste présidentiel a touché. Union sacrée de la nation, na Kimbuta, Union sacrée de la nation, na Shadari, na Mende, na Ruberwa. Mais il faut que ça soit malade. Il faudra malade. Toujours on a battu parce qu'on a distraction. Bonjour ma macambo. Oh yo yébité. Mais tout le monde est dans macambo. Oh bino bo yébi. Bonjour ma zapi. Boya kaka distraction. Bonjour ma macambo yébité. Mais bino bo yébi macambo. Parce que boya dans votre yoka. Toujours yokaté. Toujours yokaté. Et c'est ça, Banzembo na banga bamilvo. C'est toujours comme ça les milvo. Ils viennent toujours sans argument. Ah, longwa kuna, ozali zoba zoba. Longwa kuna ozoba makambo zoye bate. Longwa kuna oyebi politique te. Longwa kuna, ah, mutu oyebi politique, ndeko na bino oyebi politique, voilà makambo zo sala. Ad malibanda mboka soni na soni. Soni na soni. Attendez d'abord que je bloque c'est le sénateur Béni. Ah, monsieur Salobi, trop primaire comme, comme réaction. Trop primaire. Ah, mais maintenant, les réactions. Oh, gâchis. Micro, mon kikoui. Je pense que ça fonctionne. Hein. Bonjour, on est bien à YouTube. Alors, Balobi, réaction trop primaire. Alors, wapi réaction à Bino, trop universitaire. Wapi réaction universitaire. C'est bien bon, pendant qu'on le bat, réaction primaire. Oui, c'est bien bon. Mais wapi réaction universitaire. Toujours mon ayangote, monsieur Obama. Toujours mon ayangote. Alors, mais comment expliquer Batu O Bazaï la réaction primaire? Bozo yaka Olanda Bango. Vous êtes toujours là, na Fimba. Olanda. Olanda. Na moni communiqué moko ya bamilvor, ma komi, bandeko ba se désactiver na chaîne yandeko na biso na Belgique. Fabio Boswanika. Bon, la chaîne, vous êtes déconnecté de la chaîne, mais vous l'endayez quand même. Donc, ça, c'est la marque de fabrique Milouvor. La marque de fabrique Milouvor. Balobi, va se désactiver la chaîne de Fabio Kosonika, va l'endayer aussi. Mais, vous l'endayez. Ce qui vous l'endayez, vous l'endayez, mais vous se désactiver la chaîne. Vous se désactiver la chaîne, mais ce qui est Bolanda, Bolanda. Boyoki, réaction yamboa. C'est-à-dire que la source de Milou et de Ranjakamitou Nabango, logique exacte. Moutou Oyo Bosepei Nayete, excusez-moi. Moutou Oyo Bosepei Nayete. Moutou Oyo Sala Makamoko Bosepei Nayete. Alors, d'office, vous êtes désactivé la chaîne Naye et Bolanda est suspect. Mais, bien au lobby, vous êtes désactivé la chaîne Naye, mais Bolanda est. C'est qu'il y a quelque chose, vous voyez, à Hollande. Vous êtes là, nombreux, dans le monde de l'eau, des mille morts. Quand vous avez dit, Makambo Zolo Bozo et Maté, vous avez dit Makambo Zolo Maté, vous avez dit Boété. Mais, awa, awa, Boloba Makambo, Bissoto Yébité, Ozolo Bayaboté. Vous comprenez? Donc, cette union de la nation, n'a évité ce qui, volume, son, est là toujours bien. Cette union de la nation, est allée farce. Et à l'IFARS, bonjour, mon photo, je m'en ai dit photo est dans la semaine YouTube, il y a Kabound et Kabouya, pardon, Kabound et Némi, en pleine tension, Batoubazo kata na machette. En pleine tension, Batoubazo kata na machette, na palais du peuple, voilà les deux gars, Ndenge Bazo Solo. Maintenant, Batoubabimisaki, ma photo, il y a Punda. Kabounda, qui n'est comme étant Punda, na Baruberwa, na Matadi, na Ba Congo. Bon dimanche bisoté. Boloba qui fake news. Boloba qui est le quota. Et Boloba qui est ma photo montée. Mais par la suite, Kabound, il y a mon gars, il dit, oui, j'étais là. Kuna Kabound, il y a nos amis. Maintenant, vous voyez ça qui vient de dire, FCC n'a eu de peste, Mazam Moutoumoko. Basali qu'on négocie pour Baboma Bissot. Bon dimanche, c'est Kabound, il y a mon gars, il dit, oui, là-bas, comme on a dit, oui. Roubero, il y a eu le bas, oui, voilà, vous voyez ce qu'il donne le pouvoir. Mais elle va photo n'est maki ba milu vor kaka oyo ba milu vor situ ba milu vor ba liaka ba milu oya savan yakabeka mo menda savan kanaka mo so bo mati mission mikalai bo mati kota likolo kuna savan mo kezala kuna ba mbwa o ba uta kuna so le ba bo po effet na mutuna yo esila il vous faut 6 mois po effet esila trouble na mutu esila 6 mois. Alors, photo yangwa na parlement, Kabund na nini bazosolola nini chez Kabund adversaire politique azate ce sont des ennemis bazosolola nini et na kopesa bino une information que les jours il y a élection à parlement soit des élections à parlement Nehemi a rencontré Félix en Catalogne. Bazosolola nini ça c'est la présidente qui nous dit yombi tika batuana tika batuana avant élection. Avant l'élection au Parlement, Nehemi Wilonja a coutané le président. A coutané le président. A coutané le président. Croyez-vous que Bato Nyonso, Bakabiliso Nyonso, en masse, boye, balonga, balonga, balonga, balonga, balonga, balonga, balonga, pas Félix, juste pour plaire, bino, mais il faut qu'on soit malade. Il faut qu'on soit malade. Donc, il y a un adobe, tout suite rendez-vous, bon, noté, date. Vous allez voir, kaka bango ba miluvo, kaka bango ba miluvo, bako ya. Oh non, kabiliste restera toujours kabiliste, batu to lingi bangote, bo bengana bango bozo batu to to luka batu. Boko luka inyo sacré monsieur. Félix a compris. Parce que na batu nyo sonde ke bakote kuna. Muyibe sili bangote, corruption sili bangote, amateurisme sili bangote. Incompétence sili bangote. Vous croyez vous croyez Moutoulokola, Eliezer Tambo. Eliezer Tambo. A continuer à nous sacrer. Eliezer Tambo est pour même un projet de société. Dites-moi. Papa, où est-ce que le monsieur là, le monsieur là, où est-ce que le qui n'a pas de forme là. Comment est-ce que le monsieur là? Ce qui est Molière, ce qui est Molière. Croyez-vous ce type là? Molière, wana, yemoko, Molière, wana. Vous juillez, vous cotiez dans une salle, vous cambiez salle, vous avez un bilan à colier à ma camion, sous ventilation de ma camion, bilan à colier à la carte. Un mois, il y a quoi, ma Molière, il y a quoi, ma loi, projet de loi. Molière, on a eu un projet de loi. Et si vous avez un petit peu de temps, Molière, là, comme Félix, c'est la même chose. C'est la même chose. Molière, on a battu Balandi, il va voter, peut-être. Pour avoir courage, pour ça la moi chaîne maillée, il y a Koloba Makamba. Mais ce n'est pas une personne où il y a quoi qu'on a un parlement pour nous faire la mibeko pour nous boka. Non! Parce que Congolais a zali expert dans Makamba Nyonso. Boloba Makamba pilote, Congolais Nyonso a pilote. Boloba Makamba armée, Congolais Nyonso a militaire. Boloba Makamba sécurité, Congolais Nyonso a expert en sécurité. Boloba Makamba médecine, Congolais Nyonso a docteur. C'est ça le Congolais. Congolais a yé bakate, nani na kocha na isika nini. Congolais kaka ouye bani, kombo ye bani bazuyo, bon batuyo, député. Croyez-vous, bango mi balé, ozui Eliezer Tambo, ozui ye, soki Molière wana, bango mi balé, bokangeli bango na sal, bobo tola bango téléphone, si bango téléphone li banda, bokangeli bango na sal pendant un mois na diwa. Baya ko bima na projet de loi. Baya ko bima vraiment ta na phrase noko. C'est ça le Congo. C'est ça l'itna biso. L'itna biso ezali que moto na moto azala ne sika na ye. Moto nyonso za capable ya kosala mosala nyonso te. Te. Voilà bêtise automne. Félix bokanisa ka na kombo ya papa na ye Félix Tshisekedi. Na kombo ka Tshisekedi vous avez cru que kombo ya Tshisekedi ko kosala mosala. Voilà bêtise. Deux ans. Kabila tie bakal. Si ko ba député ne soit comme ya ye. Ba député ba comme ya ye. FTC nyon to balongwe, ba kote pa Félix. Bravo. Alors, toze la si ko bota la moussala ndenge voleka. Tozoze la. Note la date. Po, et pa na biso to bosa la makambo. Note la date. Félix a ko zongi la bino. Tout ça, ezani, juste pour na ko gagner temps. Juste pour nous gagner temps. Union sacrée Oyo, ils allaient juste mascarade, ils allaient nous coûter pour juste gagner temps, pour continuer. Alors, mais maintenant, contrat que nous avons signé, Bissona, Bamilovore, ils allaient pour ce que Bamilovore, Bolingi, Yango. Maintenant que vous avez le Parlement, majorité parlementaire, écrasante d'ailleurs, majorité écrasante dans le Parlement. Après, vous allez former un gouvernement d'union sacrée. Très bien, bravo. Président Azali Abino. Gouvernement Bogosala, il y a union sacrée, Azali Abino. Dans le Parlement, majorité écrasante, Azali Abino. Alors, dans ce sens, il y a un milouvor, union sacrée. Bozonga, ba tia bino siko na ba chaîne. Ba enchaîne bino. Moutou nyon so azana milouvor na ye, enchaînez vos milouvor. Parce que maintenant vous avez tout. Maintenant vous avez tout, enchaînez vos milouvor, travaillez maintenant. Botika siko biso. Biso na résistance. Total a makamon, boka na biso ndengene ni bozon memele yango. Vous attaquez biso souté, pourquoi vous jouez à finga biso? Pourquoi vous jouez à finga biso? Parce que vous gagnez. Vous jouez parlement. Président Azar Abino. Va conseiller plus de 1000 dans la présidence. Va gagner 1000 votes. Vous avez le gouvernement, va 1000 votes. Armée, vous avez 1000 votes. Vous avez l'armée, vous avez 1000 votes. Naba Numbi. Naba Numbi. Ma comme il y a Félix. Namna Moudindo, ce qui Moudindo, il s'appelle comment les gars là. Car il y a Félix. Alors, maintenant, Bolobaki qui sale mes bandes. Il sale mes bandes, tu vois. Est-ce que Moutoua sala comme Moussala? Aya kako tchama kele dans les réseaux sociaux? Tiens. Tout le monde va milouvoir ou bovani dans la diaspora. Rentrez au Congo maintenant. Il n'y a aucune raison. Vous souffrez dans l'hiver, dans l'hiver, dans Boutou. Travaillez dans le froid. Ça ne se justifie pas. Oh, yon yon soubou boaka bangunda. Bo kende. Bo annile bangunda na bino. Bo annile bangunda na bino. Rentrez au pays. Ce que vous avez dans le monde, si vous avez dans le parlement, vous avez kende, vous avez conseiller. Si vous avez conseiller, vous avez ministre, vous avez vice-ministre. Aux directeurs de cabinet, aux secrétaires, rentrez au pays maintenant, laissez-nous, Bisho Batutozali n'a parte, n'a pas bêtise, n'a bino, tout continuer résistance, n'a Bisho. Alors, vous allez n'a droit à mon côté, vous allez n'a justification à mon côté, vous allez n'a pas réseaux sociaux, vous allez n'a Bisho, vous allez n'a Bisho, Bisho, parce que l'État, vous allez n'a Bisho, vous allez n'a Bisho, parce que Bisho, vous allez n'a chômeur. Je suis un salaté. Je suis un professeur qui passe son temps dans les réseaux sociaux. Tant que temps, il s'est allagé dans les réseaux sociaux. Et pourtant, il faut que vous ayez Milou et dérangé à Kanandinga pour se dans les réseaux sociaux, Moutoussa a eu à saler live. Il y a une heure, deux heures. Journée Moko, ils ont un combien? C'est 24 heures, n'est-ce pas? Alors, ce que Moutoussa a eu une heure dans les réseaux sociaux, deux heures dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire cette personne passe son temps dans les réseaux sociaux. Voilà. Voilà. Bam milouvor. Et milou ya savant ya kasai. Bam milou ya savant kasai, soko meki kakata soupu nango. Pa! Soupu kaka, ya kuyere oyo. Kuyere moko kaka soko meki. Soupu ya pamba. Minu ya milou te, kaka soupu, soko meki. Efe nango ego tika la namutuna yo 6 mois. 6 mois. Si moi, on a ce qu'on met, c'est la soupe, il n'y a pas mal. Si on a ce qu'on met, combat, tu sais que. Matoye mati. Moutoye combat, tu sais que. Ah, béton. Ah, matoye kiti. Ah, le béton. Tatouane. Mamouane, le béton, ça va, ça va. Si on a ce qu'on met, tu sais que. Matoye mati. Milou. Moutoye mati, tu sais que. Oh non. Tu sais que la radio. Aïe. Wop. Mais non. Oyo azo loba na kati ba milouvor on ezali yete. Ezali befe ya milou o alia ya de cela 6 mois. Ya soupa milou alia 6 mois. Befe ya ngwana. Maintenant, laissez-nous. Laissez-nous libres. Vous travaillez maintenant. Il faut bosser la mosala sikoyo. Vous avez son attente, vous avez un miso, na ba réseaux sociaux, vous avez un réseau sociaux. Et je demande. Na Congolais nyonso ou azali conscient na kati ya Congo na libanda ya Congo o ezali air yango oyo ya ko prouver noir sur blanc ke ndeko oyo Tshisekedi azali moto azo mérite nesika wana te. Tshisekedi abengani Kabila te. Tshisekedi akangi Kabila te. Parce que Kabila, banda Kabila pesi Félix ce pouvoir. Bosi boyoyi Kabila lobi. Bosi boyoyi Kabila sali mosala. Kabila est toujours silencieux. Non, to bengani Kabila. Bo bengani Kabila, ka Kabila zala ki wapi. Qu'est-ce qu'il faisait avant et après à Rosala Mbote? Qu'est-ce qu'il faisait avant et après à Rosala Mbote? Kabila est toujours silencieux. Non, Félix a interdit Kabila. Kabila a voyagé sur le titre au Kandaye. Kabila yewa na zana katanga. Félix yewa na katanga. Kabila, na katanga, Kabila zui avion na aéroport en Djé. Kabila zui avion na aéroport ya Djé. Et si kaba milvor bozali e belé. Kabila ke na katanga, il a survolé le Kasai. Kabila longwe aéroport en Djé, a kei na katanga, il a survolé l'espace kasaïen. Il a survolé l'espace kasaïen. Wabi ba missile o Israël a tindi la kibino. Et mon ami avion a été. Wabi radar o Israël a tindi la kibino. Bon, mon ami avion Kabila a été. Era matin aéroport en Djé. Bande konabino ba milovo ba zan aéroport en Djé. Ba yifs. A moni. Azo kote na avion. Kabila kote na avion a bobata na te. Na boutoute. Na moi. Na moi. Délégation ba zo kote na avion. Tout le monde na aéroport en Djé. Ba mon ami. Avion est matin. Ba missile na bino Israël après sa bino Israël na aéroport a survolé espace kasaïen radar na bino l'accès bino te avion Kabila ya mon les hommes botiki a décollé a longwe na mikinga kati aye ayaki na avion bandokité aye na mituka na camion a côté na aéroport tout le monde l'a vu a mati la avion tout le monde l'a vu a décollé tout le monde a vu l'avion décoller a passé espace kasaïen tout le monde l'a vu a atterri. Tout le monde l'a vu et batwa katanga baye ko yambaye bakangi Kabila Kabila ko vini na soute Kabila ko ko voyager te Kabila toujours befe ya bois boza ben conscient bozo ye baté oyo bozo loba mais ezali juste befe ya bois mon pedo sala bino befe ya bois. Alors laissez-nous libre maintenant boya ka boyete ko finga biso. Ah, Viviane, le bouin, le bouin, tato, a saïd, yo, penda, a saïd. Yo, vanda, kana, landa, le konanga. Parce que, auto, zoloba, c'est la réalité, ma kambozo, le dango. Yo, dengo, vandi, mama, wivine, ce qui Viviane, ce qui nan. Ce qui vraiment, zali, consciente. Eza, na kadri, yako, bala. Ce qui, longoli, Félix, combat, chiseke, de longoli, yango, mama, yo, bala, Félix. Mama yo ko bala Félix c'était sur ba longoli Félix combat Tshisekedi na kat. Eza la sa femme ici la rwandaise. A bala ye po na mwana Tshisekedi. Sur ki Félix la combat mwana Tshisekedi. Mama na lindo bala Félix c'était. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et mama na kat anda kwa mona makabu. Sur ki bo tuni ba tbali sa bino l'histoire ya ba mongol. Mama o yo rwandaise o Félix a bala. Ako iko bete la bino sur lo ba mongol. Mama oyo akoyiko pesa jamais conseil na mwana na yake bobala na yebi na sia motema na ye azola ndabiso ayebi. Et vous prenez ce type de personne pour que tchaye na présidence parce que azali mwana Tshisekedi juste ça na yeta kabino soki bolongoli Félix Komba Tshisekedi nani akoyiko yebi sanga musala nini Félix akosa soki bolongoli ka Komba Tshisekedi boye sanga musala nini Félix akoyiko sala na mboka na biso. Donc, je disais que la bande d'économie sur Bazan en Congo, au Bazan en diaspora, tenait bon. Kalamingite, Bozoyoka, commerce que Makambo et Zali Kokinde, tenait bon. Ou y a l'inko te ka conscience, naye, a te ka conscience, ça pose pas problème. Je connais une fillette na Congo, Azalaka Mingi, Yabane Kozala Mingi, mouvement activisme et droit de l'homme, Philippe, Biloko Andengwana. Elle était toujours là. Hein? Gloria, quelque chose, c'est Gloria comme ça. C'est une jeune fille qui était prometteuse dans le sens de l'activisme, de droit de l'homme. Et voilà Makila et Gandhi, a commis les lots, Patrick Béton, a commis les lots. Mais vraiment, ils ont passé à se porter dans la vie. Il y a des gens qui sont en train de se porter dans la vie. Ils ont commis les lots, ils ont commis les lots. C'est vrai. Donc, il faut vraiment tout encadrer Kabango. Il faut vraiment tout encadrer Kabango. Sinon, il va vraiment passer. Et pourtant, c'est une fillette que je n'ai pas de ça, malgré. Parce que n'ai pas de ça, il boxe. Il se relève, il boxe. N'ai pas fait ses bourses d'études, elle m'a demandé, mais handicap, il y a bien anglais. Parce que la bourse, on a dit qu'il y a bien anglais. Il y a qui il y a bien anglais. Même si elle m'a dit, bon, aux États-Unis pendant un mois. Aux États-Unis pendant un mois, que les deux étaient anglais à l'université. Anglais à l'université, c'est l'anglais académique. Mais voilà, heureusement que nous avons dit, il y a surtout pour citer qu'on peut s'aider. Parce qu'on pouvait même forcer qu'on peut s'aider. Même à l'aider anglais. Ah, qu'il y a des gars qui ont l'anglais pour nous. Mais elle m'a dit, au sixième sens, c'est pour ça qu'il y a surtout pour s'aider. Et voilà aujourd'hui, Kassai et Gandhi a commis Fatih Béton, a tiki. Futur Naïe, Zalaki bien, elle a très bien commencé. Elle évoluait très bien dans l'activisme et le droit de l'homme. Voilà, Fiko est commis droit de la province. C'est ça, ce droit de l'homme est commis droit de la province. Bon, te consentir à vous et bonne chance à elle. Voilà. Voilà donc, mes chers amis, dans le Baki, dans le Baki, dans le Baki, dans le Baki, dans le Baki, dans l'anglais, calamité, vous avez eu le cas par recommandation. Makamuso tous allez au sala et qu'on y a calamité et quoi qu'on tenir bon à tenir bon quoi qu'on céder à côté qu'à conscience à tes qu'à conscience moi je préfère les lots nati kalanga moko Congo mobile même si tout le monde s'oppose à moi tout le monde baza Kolanda Félix tout le monde baza Kolanda Kabila je préfère rester seul parmi les 100 millions de Congolais donc préférer nati kalanga moko na conviction en gai. Donc, masse, Matouba Landa masse, ils ont un problème en effet, mon côté. On a besoin de la qualité. Ils ont besoin de masse, ils ont besoin de qualité. Ou à Teki conscience, à Landi Félix. À Landa Félix, madame, mais à Landa Félix, c'est une souka, à Zonga Simate, à Prof Bolo Baganabino ya solo, Moutou O, Penza Azatra, Tintoudou ya solo. Et le colondimi et Nima Yekende Libela, continue. Oyo ba Congolais ba yebingaï, o ba yebanga banda 2003, ba yebingaï. Ma position est la même. Pas de Rwandais dans le cadre de la cadre qu'on domine. Les Rwandais peuvent venir chez nous au pays, le Kolabiso qui est au Canada, Rwanda, commerce, business, makamoussou, ça va. Bazo Mokanda, l'immigration, ba pesa bango. Mais qu'on domine Bissot, ba ou ta kuna na Rwanda, ba katisa, bazo ba kase de l'éther, ba koma ba Congolais. Comment les Congolais va se faire belle, il y a Bissot et comment il y a Bango. Jamais. Depuis 2003, Nazali toujours dans la position de Ngaï. Kakamoko, je ne change jamais. Et pourtant, dans 2003, je n'étais pas professeur en 2003. En 2003, Nazali était professeur. En 2003, Nazali était dans la usine. En 2003, Nazali était dans la usine. 2004, la banane s'en a usine. 2005, dans le Mouet, il y a une organisation de défense à droit. Il y a une organisation de défense à droit. Si les lots positionnent dans l'Aïda, il y a un mot. Il y a un abysso, il y a un problème. Nzala, kende. Fanatisme, kende. Makila, la région, Ganga, kende. Makila, tribal, Ganga, kende. Bonne chance. Mais qu'on zongue l'abysso, Kozonga te sima sima, ah non prof, Bolo Rabino a raison, vraiment Moutou Oyo, vraiment Kala Makambazo Sala, Tolingi va vraiment m'en faire donc, c'est-à-dire dans ce qu'on pille ou Tolingi a Moutou. Donc, quoi la Makila est gangi, bokei, bokei. Chakoudi a yé, on a ce qui professeur vient de Chakoudi. Qui n'a jamais enseigné quelque part? A s'autoprogrammé professeur, donc là, Etienne Tshisekedi, premier docteur en droit, qui n'a jamais prononcé une phrase légale? Qui n'a jamais écrit une phrase, mais c'est une tu sais, premier docteur n'a droit. C'est Julien Tchakoudia. La diaspora Lelo a recruté Bamilovor Bazonga Congo. C'est très bien, Bozonga. Mais il fallait Yemoko na Zonga. Quand même, social, il y a l'Angleterre, il y a l'Espagne. Vous voyez, il y a Boulani Tchakoudia dans la loi. Chaque mois, il a l'argent social, il y a la taxe, il y a l'Espagne. Quand même, Zonga. Vous avez le pouvoir, si vous voulez, nous avons le pouvoir. Vous avez recruté Bazonga. Bandana no kozonga parce que vous avez un carnet d'adresse. Vous pouvez appeler même à partir de Kinshasa, ba carnet d'adresse na yo, longwa na Londres, tika social à Batou, longwa na ndako à Batou, peta yo à social, zonga na Congo parce que ndeko na yo a commis président. Laissez embrouiller Batou na diaspora, rentre au pays chez ton frère, va travailler. Yo le Batou va au commissaire premier ministre informateur. Kalamingi te va au commissaire informateur, mais quel est déjà, aujourd'hui, qui a déjà position. Parce que dès que Batou au commissaire informateur, le lendemain, au bandit déjà pour ça la salle. Mais yo na Londres, ce que va nommer au Lelo. Et reçoit 2-3 jours au kanga ba pantalon na yo, na ba téléphone na yo, et zanga ba batterie. Ah, bon, c'est gâté, téléphone na yo, moutoumo a kangela na mo photo, batterie est kouya. Père, y a résistance, y a diaspora, les patriarches, professeurs, j'y ai déjà dit. Ba mona y a tant investi mon côté. Ami denga, professeur. Ah, moko a komi kuna yo komi benga professeur mais nga lisika na tangisa e yebani. Soki oyebi esika na tangisa te se koza mauvaise volonté olingi koyeba te yana sur le net esika na tangisa ba photo na publiaka bomona komba université na ngati bomona ngo te soki olingi oyeba te tangisa zo ba photo na publiaka Facebook okomona komba université ezali ba komba ba université ezali sur le net ba komba ba université ezali. Est-ce que vous avez déjà vu une université balobi na université na biso oyo jide chakuda eza professeur et pas loin. Et pas loin. Et pas loin. Ce que Tchakoudia a fait dans Londres, c'est de pondre les enfants partout. Koko Sabana n'a pas vu ça, Mike Abassi. Oh non, on a un patriarche. Moi, si ce qui peut-être classe peut me pousser, c'est de n'avoir pas vu ça, il faut pas. Parce que moi, je connais, au la Facebook, il y a eu une certaine malédiction vers les années 2005. Il y avait une femme, très belle femme, comme ça qu'on appelait, comme on a eu à Facebook, je pense que c'était Mamitio. Et tout ça, là-bas, l'étouana, Tchakoudia, il y a eu père, tout le monde a eu un peu de cette femme-là, c'était une femme mariée. Cette femme-là, Mamitio, a eu un peu bon, conversation, il y a eu un Tchakoudia. Batounio, ça va gagner en Europe. Tchakoudia cherche une femme dans une box. Ma camion, il y a eu une femme, là. Non, nous avons un patriarche, nous avons un carnet d'adresse, il y a un monde Mobimba, j'ai sillonné des mondes. Quel monde qu'il a sillonné? Moi, j'ai été dans 162 pays dans le monde. Monde de Tchakoudia a sillonné. Et il croyait que cette femme, a une femme moko légère, et voilà, cette femme a péquissé, a zoyokate, a péquissé, a zoyokate, boum, femme a menacé, ce qu'on continue dans le public. Tchakoudia a continué à quand il dit que moi, moi, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, la femme là s'appelait Mamitio. Ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, même président Mabino, à 56 ans, il y a Zobota toujours. À 56 ans, président, il y a un bébé. Bébé a sauvé dans 3 mois, je pense. Qui chasse le coco Moulou? Président, d'abord, il y a Moulouge. Bana, Bazobota, Bazobota. Et le coco Moulou, Moulouge, c'est le coco. Batouba, il y a un chasse le coco Moulouge et comme Ingam. Ah, la beau frère, bino vraiment. Vraiment, on va la comprendre. Bino, tu sais, on a épité Bambouana vraiment. Bambouana, moi, il y a un virus, nini, vaccin, il y a un virus. Parce que Bambouana, c'est terrible. Voilà, mes chers amis, donc, je vous ai dit que cette histoire de l'Union sacrée, elle est une farce, elle est une mascarade, elle est juste Kabila. Kabila n'est pas parti Kabila. Seulement que Batouba Senge na Kabila, ce que je vous dis, elle est une révélation à un diplomate, donc, Batou, Union africaine, Union européenne, elle est à la Nipoyaoni, Batou Senge na Kabila, bien que Félix azo sarete a respecter deal na binote, mais Félix na argument na ye alobi yo ozo tchaye bakal po a gouverner malamu te. Deal est là qui pour na 5 ans, mais ozo tika ye te a gouverner. Et Kabila a accepté bon, azo tika ye gouverner. Alors batunanga yi bolobi ke batuna yo bazo tcha influence po ya gouverner te, yo muto zo tcha bango parapluie. Moi je veux me retirer. Ye azo batuna nyonso asa la plateforme à récupérer Batouana Nyonso Yangai, comme ça, à gouverner. Et moi, je me retire. Et après 5 ans, je dois rentrer Dengue Dilna Bissouetani. Félix l'a accepté. Et voilà, Bozomona, Kabila se retire. Yango Bozomona, Mamboundou, Bazokoya. Yango Bozomona, Batounios, Bazokoya. Oh non, ton côté n'est pas Félix, ton côté n'est pas Félix. Non, ton côté n'est pas Félix. C'est sur la volonté de Kabila. Je me retire. Il y a l'obin Azotier Bakal. Il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a travaillé. Alors, il y a un la liberté de travailler. Il a dit, bon, il y a une influence pour travailler. Moi, je me retire, je demande à Batounangaï. Alors, ça n'est pas le il y a un vote. Néhémi, Félix a rencontré Néhémi la veille, il y a un vote. Et si on a une photo, Néhémi est là na YouTube, na Kaboul. Il y a un solo. Néhémi est là. Bazosolo la très bien. Donc, il y a une stratégie pour que Kabila, Azala nanu mwamusika, atika Félix. Parce que Félix a l'élite mingi. Bazosalate. Batunayo bazo empêchenga. Batunayo bazo respectenga te. Baza teti. Yo mutozo pesa bango teti pesoana. Alors, il dit, bon voilà, na longwe, na meritire, na voyebi sa bango, bango nyo soba kote tana yo. Alors, travail. Mais 5 ans, ngayi nazali. Voilà la réalité. Je vous ai dit ma kamba poison à présidence. Non, et comment qui batonne ce qui la bataille? Na yesa ki bino mutu Kabila zo empoisonné bato Félix autour par Kamere. Ote, Kamere te. Ozalukuta. Dès que bakangi Kamere, les mêmes jours bakangi Kamere. Na présidence mutu akufa. Batu bando kufa na présidence chaque jour 2-3, chaque jour 2-3-4. Chaque jour, 2, 3, 4, chaque jour. On vient, on vous donne une information que c'est ta mère, nous avons empoisonné Batia Félix. Et Batobano, qui est le président, il a dit que moi, Bongo, le président, oh, il a dit qu'on a influencé Félix. Kabila instruit à ta mère, Boma Bango. Son oncle Moulumba, Akoufi. Maître Mukendi, Akoufi. Batouana Nyonso, Ilunga, Akoufi. Ce sont des gens, oh, il a dit quand même na Bongo. Même si Bazaraki m'a mis le bord, mais Bazaraki n'a même quand même moi Bongo. Kabila instruit à Kamere, éliminer Bango. Oh non, Covid, amour et mon aïe, la présence qu'on a. Et ça, c'est un bateau Félix, c'est ça. Bateau Yéni, c'est Bazali, Bangala Bazali, Bakongo Bazali, Machuaïli Bazali. Alors, comment expliquer Bateau Bando Koukou Fakaka na Covid ou Anna? Et ça, c'est un Balouba. Balouba, il y a un peu de moussikate, le plus proche à Félix. Il faut qu'on soit idiot pour comprendre. On vous dit qu'ils allaient empoisonnement. L'ombre qu'on a, monsieur Govan na Corée, oui, bien, je vous ai dit ça. Et dans le bas, c'est Kamere. Mais, Moukoloka ka bakangi Kamere a ke makala. Tangelanga va conseiller Boni Bakoufi. Kamere na makala, ba mort na président spécifique. Alors, ndeko soko zo compare ma kamote. Franchement, vous allez idiot. Idiot pe za kofin la te. Dictionnaire ba ndeko. Bota la traduction. Idiot, et ça qu'on finit de idiot, et ça les candidats. Ça signifie ce que ça signifie. Manque d'intelligence. Idiot, et voilà. Frère Jassouka, n'a pas eu qu'on y ait des sabino, il y a un déjà qu'on tourne. Bande qu'on a dit sur un milieu fort, toujours comprendre. Il y a un déjà sabino qui est, surtout moni moine à pousser un endroit à milieu fort. Keba, tourne moine, est-ce qu'il y a un déjà sur un milieu fort? Keba! Si tu veux venir dans le Congo, oh non, sans à l'improviste comme ça, boke nanda kwa boy. Bana boy bakoti nanda kwa na. Bana boy bakikuna. Mwana na yoso ake ina nanda kwa milivo tuna, ote uti kuna. Omeli supa mboa. Comment expliquer? Na mwani ndeko na biso, leki na biso a mwata zara na France, yuyu mtu mwasi. Ate na post na ye na Facebook, aliake ngolo. Ela manje ngolo. La commune longwa ngolovor. So boke na poste yumu, mwesi boko mwona yumu, mwesi a teki. Na yesa ndeko nanga moko lomboto. Mute kwate. Azo lamba makaku. Na yebisi ye makaku vor. Azo seka. Ye kuta repondre nga lomba kuna prof. Yo kutu fumba vor. Na sa fumba vor. So yesi nga fumba vor. Ça me fait plaisir parce que j'ai identité dans ça. Bah, il y a Katolia Kafumbwa. Katolia Kafumbwa, Katolia Kamkuswala, Katolia Kamitekwa. Ah. Fumbwa, Mkuswala, Mitekwa. Il y a Katolia Kafumbwa. Identité dans ça, je suis fier. Et d'ailleurs, ça me manque. Ça me manque. Ce que le bin de qu'on a dit que Ngolo, Ngolo vo, ça va. Nkoba, Azan Kolo vo, ça va. Makaku, Makaku vo, ça va. Komekate kende, komo kwa liyaka milou, olo bake milou vo. Gere moke kobima, mouta wakabula ngwa zati. E komi insil, enji. Ah, donc boye ba akeza wak enji. Ce que yebisi nga naza fumba vo, pou nangay, wane zenji yote. So ebisi ndeko ekwater makakuvor eza injiete. So ebisi musakata kobavor aza eza injiete. Me yoso ba ebisi omiluvor eza injiete. Ndeko. Vous êtes idiot. Vous êtes idiot. Voilà. Mes chers amis, merci pour nalelo. Bokabula video na biso. Abonnez-vous massivement. Boza la prête. Kalamingite. Mikolo mouke. Vous avez une recommandation à la déconnue sur le papa de Chata et à la haute papa de la diaspora. Vous avez une recommandation. Bisonnion sur le salme banda. Bango, le petit salme banda, pour la côte de Barouande. Bandi ma Barouande. Babo, yake Barouande, bazobo ma bisote. Babo, yake banemurenge, bazaba congolais. Bisope qui salme banda, ya ko expliquer bino, bazali lukuta, bazali wana pour nous protéger les intérêts du Rwanda. Bazali wana pour nous protéger Kabila. Bazali wana pour nous protéger ma détournement. Bazali wana pona ko protéger ba tanga te ba yebi experience ba yebi musala te bazo camoufler ko zanga ko yeba musala ba kosa ikabila zo empêcher biso lelo kabila tikeli bango ba poto ni kabila ba bengane ba yeba bengane ba kabila pesi bango na ba député na makamonyo na mikanda na ba papier na ba cachet na ba signature kabila pesi bango bozwa alors ba sala musala et komate lobi lobi komate oh non c'était donc en tout cas m'en fait donc pindie ou makamba pindie wezati. A partir d'aujourd'hui, mon obligé m'pale bandi. Pindie wezati. Pindie wezati, moussala. Boti kabiso, bolan d'abiso te pona kofinga biso. Boussala, moussala. Biso pe, moussala e bandi, koye sa pepe, biso ke non, bat oyo, arrête bazan le kouta mi yig. Ils sont venus pour leur poche. Allez, merci beaucoup aux notes. Bozala malamo, dimanche, boutou malamo, lobby lundi, bokobanda moussala na tega malamo. Et biso pe te zozonga esika tozala kalelo. Et t'occuper peut-être dans deux jours. Allez, tenez bon. Je vous aime et merci. Bye. On commence par ouf.